À l'occasion des 57 ans du commencement de la direction de la révolution de Sun Gun par le général Kim Jong-il, les formations de divers pays et organisations régionales ont inséré dans les 1 pages internet des numéros spéciaux. Le Forum allemand anti-impérialiste et l'Initiative polonaise d'amitié internationale pour l'étude de la République populaire démocratique de Corée ont présenté des écrits en l'honneur des immortels exploits accomplis par Kim Jong-il dans la direction de la révolution de Sun Gun avec ses photos. L'Institut d'amitié et culturel péruvien-coréen a inséré un écrit titré « Le Sun Gun et la paix » avec les photos du tir d'essai de la fusée balistique intercontinentale coréenne. En outre, le Comité africain d'amitié et de solidarité avec le peuple coréen siégeant au Nigérien a présenté un écrit en l'honneur des exploits du général Kim Jong-il sous le titre « La journée de Sun Gun de la Corée ».